Minuit blanc, de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Camisole. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Minuit blanc. Dalle au fond des lointains clairs et lacs d'opale, pendant les grands hivers, lorsque les nuits sont pâles et qu'un autel de froid s'éclaire au cœur des neiges. Le gel se râpe en givre ardent à travers les branches. Le gel et de grandes ailes qui volent blanches font d'interminables et suppliants cortèges sur fond de ciel, là-bas, où les minuits sont pâles. Des crises immensément de râles et d'épouvante ailent la peur et l'ombre au loin semble vivante et se promène et se grandit sur ces opales de grands miroirs. Oh, sur ces lacs de minuit pâle, signe clamant la mort, les êtes-vous, ces âmes qui vont prier en vain les blanches Notre-Dame ? Fin de Minuit blanc.